Les nouveautés à la Maison du cinéma de Sherbrooke cette semaine. Le scaphandrier, en français. Vous m'avez dit que vous êtes nouvelle ici, c'est ça, hein? Oui, ça fait à peine 6 mois. Les pêcheurs du village disent qu'ici, la mer n'a jamais s'éloigné. Si elle les garde, c'est qu'elle a de bonnes raisons. Il vaut mieux pas chercher à savoir pourquoi. Joseph Bilodeau, c'est un scaphandrier du coin. Gardez votre esprit ouvert, génie. J'ai vu des choses dans mon pays qui défient la raison. Oh, fuck. Ils sont morts. Et si vous voulez que ça leur fasse, qu'on leur prenne leur vaisselle ou leurs vieux bijoux. Still Alice, de Wash Westmoreland et Richard Glaser, en anglais. To the most beautiful and the most intelligent woman I've known in my entire life. Welcome, Dr. Alice Howland. Thank you. I hope to convince you that by observing these baby steps Alice, where the hell were you? Went for a run. Well, I hope you enjoyed that because you completely blew our dinner plans. I need to talk to you. I got something wrong with me. What's going on? Oh, boy. He's going to break up or... No. I have Alzheimer's disease. Early onset. Oh, my God. I can see the words hanging in front of me, and I can't reach them, and I don't know who I am, and I don't know what I'm going to lose next. Stethoscope, Millennium, Hedgehog. I'd like to see you go to college. You can't use your situation to just get me to do everything that Why you Why can't I? Because that's not fair. I don't have to be fair. I'm your mother. I hate this is happening to me. But we have to keep the important things in our life going. Merry Christmas. We have to try, or we're going to go crazy. This might be the last year that I'm myself. Please don't say that. I am not suffering. I am struggling. Struggling to be a part of things. To stay connected to who I once was. So live in the moment, I tell myself. It's really all I can do. Live in the moment. Le spa a remonté le temps 2 de Steve Pink en français et en anglais. Il y a 4 ans, les lois de l'espace-temps ont été transgressées. On dirait une sorte de spa à remonter dans le temps. Et notre monde a changé à tout jamais. Est-ce que c'est immoral d'exploiter notre connaissance de l'avenir pour faire de l'argent? Je suis le père de l'Internet. Depuis que j'ai écrit Call Me Maybe en 92, j'ai un succès fou. Hey Nick, t'as volé d'autres hits aujourd'hui ? Non, cette fois, j'ai enregistré une chanson de mon cru. You say only hear what I want to. Ouais, bon, d'accord, c'est une chanson de Lisa Lowe. On refait trompette. Je crois que cette fois, je vais inventer Tinder. On est dans quelle année, là ? 2025 ? L'avenir... Oh mon Dieu ! Nick Webb ! On prend une photo, mon Dieu ! ...n'est plus vraiment ce qu'il était. Moi, j'écoute encore ta musique, je sais que t'as eu des problèmes. Des problèmes ? Tu peux nous faire ta petite danse ? Bah quoi ? Tout le monde, on danse ! On dirait qu'ils cueillent des pénis dans un arbre. Ouais, c'est vrai qu'ils ont l'air de ça. J'ai hâte de voir ton avenir, Lou. On est divorcés ? Kelly, t'es mon âme sœur ! C'est toi que j'aurais dû épouser. Toi, t'as pas touché le fond, moi. Oh merde, alors ! T'as l'air de Gandalf le pauvre. Toi, t'as l'air d'un petit rôle joué par Tyler Perry. Moi, je trouve ça pas mal. Avec ta tête de gland, tu ferais mieux de la fermer. On va trouver le moment où tout a basculé et aller le corriger. Attention, c'est parti ! Jusqu'ici, tout va bien ? Lou ! Allez, danse pas, dépêchez-vous ! Lou, Lou ! Oh. Ça sent la haine. Bah oui, mais tout ce qu'il a dans le corps, c'est des Doritos, c'est du poison. J'ai couché avec Marilyn Monroe. J'ai découvert la cocaïne. Nous, le patriote, venez avec moi. Pourquoi ? Bah faut qu'on se batte pour faire naître l'Amérique. Tu seras pas tellement le bienvenu, mais on devrait quand même y aller. Pas à remonter dans le temps de... Je crois qu'on est dans ma maison. Salut, toi. Oh, les boules. Ça t'aidera à patienter. Ouais. Des grosses boules. On est dans une réalité parallèle, comme dans Fringe. Nerd. T'es un... Nerd. Et t'as nerd. Pas d'amis. Pauvre pas d'amis. Loser. Duff, de Eerie Sandal, en français. Parlons un peu d'étiquette. Il y a toujours les grands classiques. Sportif, intello, rocker, méchante. Désolée. Mais ce que j'ignorais, c'est que j'emportais une toute nouvelle. Où sont tes amis ? Je suis pas là pour te donner des infos sur mes meilleurs amis. Ben un peu quand même. T'es leur Duff. Je suis leur quoi ? Duff, D-U-F-F. Dodu utile, franchement fade. Tu peux me dire de quoi tu parles ? Chaque groupe d'amis a son Duff, celle qui n'est pas très, très belle et qui sert de faire valoir à ses amis, celui qu'on aborde facilement parce qu'il n'intéresse personne. T'as été promu, c'est cool, maintenant... Pourquoi vous ne m'avez jamais dit que j'étais votre Duff ? Notre quoi ? Je te jure que j'ai jamais dit ça. Oui, tu l'as dit. Je veux pas être une Duff, je veux être celle qu'on invite à sortir. Si tu m'aides, je t'aiderai à réussir ton examen de science. C'est facile pour toi. Moi, il faut que j'arrive à te dédoffer. Est-ce que tu portes un pyjama ? Hey ! Si je voulais faire du magasinage, j'y serais allée avec Jess et Cassie. Allez, vas-y, sois honnête. T'es monoboule, t'as aucun tonus. Faut que t'arrêtes de t'habiller comme Super Mario. Boum, tu voulais que je sois honnête. Les gens comme toi n'intéressent personne ici. Faut que t'arrives à te convaincre que t'es quelqu'un de sensationnel. Oh, on m'a invité à sortir. Hmm? Arrête, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y a ? Un problème ? S'il te plaît. Je t'écoute. C'est important. Quoi ? Qu'est-ce que tu veux ? S'il te plaît, arrête. Astérix, le domaine des dieux. De Alexandre Astier et Louis Clichy, en français et en français 3D. L'invincible puissance de Rome, comme les serres du faucon, elle s'est refermée sur tous les continents, sauf ici, en Armorique, où une poignée d'irréductibles Gaulois continuent de rire au bec de l'aigle impérial. Leur chère forêt laissera la place à de glorieux immeubles. Encerclés par la civilisation romaine, ils seront condamnés à s'adapter ou à disparaître. Comment vas-tu appeler ta glorieuse cité ? Le domaine des dieux. Un bras raccourci qu'il faut qu'on te parle. Il est en réunion. Je peux prendre un message ? Et qu'est-ce qu'on peut faire pendant un mix ? Place à la civilisation. Leur forêt, on va la déboiser. Oh, j'ai bien une idée, mais je suis sûr que vous n'allez pas vouloir. Aïe. Et si on collait aux Romains une bonne raclée générale ? Voilà, c'était ça mon idée. Tout le monde a été servi, les enfants ? Non. Des civils. Un moyen de se débarrasser des civils sans taper dessus. Je vous ai compris. À propos de quoi ? D'une manière générale, je vous ai compris. Vous le faites à combien ? Un cher carotte. Prix spécial Domaine des Dieux, 40 sesterces. J'achète. Vous êtes devenu une bande d'imbéciles cupides. Bon, on était déjà des imbéciles bien avant les Romains. Ouais. Les Gaulois veulent vivre comme les Romains. Son plan se déroule mille fois mieux que prévu. Il y a un village à raser. Vous vous fourrez le doigt dans l'œil jusqu'au Cubitus. Présent. La ferme Cubitus. Chargez. Vous ne passerez pas. Oh, le barbu, tu dégages. Il faut voir aussi le bon côté. La motivation reste intacte. Et ça, c'est formidable. Ça va pas être la même limonade, là. La chanson de l'éléphant, de Charles Binamy, en français. Ma mère, au cas où vous l'ignoriez, est la plus grande soprano qui ait jamais vu le jour dans ce pays. Célèbre. La réussite. Elle vient à l'hôpital te voir, parfois. Elle peut pas. Je l'ai tuée. Excuse-moi. Je l'ai tuée. C'est pour ça que je suis ici. Je suis le docteur Green. Quel genre de docteur ? Eh bien, je suis psychiatre. Le docteur Lorenz a disparu depuis hier. Tu sais où il est ? Je vous propose un marché. Je veux trois choses. D'abord, vous m'assurez que vous ne lirez pas mon dossier. Ensuite, des chocolats. Dernière condition, Madame Peterson reste en dehors de ça. Elle est impliquée. Je ne suis pas d'humeur à jouer à des petits jeux. Moi non plus. Je sais où est le docteur Lorenz. Que se passe-t-il ici ? Je ne suis pas sûr. Ne le laissez pas vous bousculer. Non, ça va. Si vous continuez à l'appeler, elle va finir par se douter de quelque chose. Tempéré. Plus chaud. Chaud. Il est totalement imprévisible en ce moment, je t'en prie. Non, pas du tout. Je suis enfermé ici depuis toujours. Pourquoi vous ne jouez pas selon mes foutues règles à moi ? J'ai six journées ! Arrête ! N'ouvre pas la voix avec moi. Je veux m'en aller ! Aussi à la Maison du cinéma cette semaine, Force majeure de Ruben Östlund en suédois avec sous-titre français. Timbuktu de Abderrahman Sissako en arabe avec sous-titre français. Kingsman, service secret de Matthew Vaughn en français et en anglais. 50 nuances de gris de Sam Taylor Johnson en français et en anglais. Le septième fils de Sergei Bodrov en français. Bob l'éponge, le film, Éponge à cordeau, de Paul Tibbitt, en français. L'ascension de Jupiter, de Lana et Andy Wachowski, en français. Samba, de Eric Toledano et Olivier Nakache, en français. Paddington, de Paul King, en français. Tireur d'élite américain, de Clint Eastwood, en français. Le jeu de l'imitation, de Martin Tilden, en français. Wild, de Jean-Marc Vallée, en français.